Donc, il y a une chose intéressante, c'est que cette conférence n'a été annoncée nulle part, à part ici la semaine dernière. Et apparemment qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Parfois, c'est des mystères de la tombe. Je m'excuse, je t'écoutais pas. Ah ouais, je sais, mais t'écoutes toujours la cassette après. J'ai un capital pic, je vais te dire, pour un gars qui a une bédaine, là, c'est... Ben justement, c'est encore moins dangereux pour quelqu'un qui n'en a pas. OK, ben je pense, Daniel, que c'est une conférence. Je ne sais pas qui a choisi le titre, mais je pense que c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on entend parler ici. Il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le point. Moi, c'est moi qui ai choisi le titre. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits sur la tombe, la conscience de la tombe, ainsi de suite. Et puis ici, je remarque qu'il y a 3, 7, 9, 12 points dont le pamphlet publicitaire a énoncé, là, que tu, les points que tu sortirais ce soir. Alors, je pense qu'on devrait commencer tout de suite à essayer de tout les couvrir parce qu'il y a beaucoup de stock là-dedans. Ici, dans le premier point, là, j'imagine que tu l'as vu, c'est marqué « Toute la création est basée sur la tombe ». Bon, si. Alors on fait immédiatement une nuance, c'est que toute la création est basée sur la tombe. On parle de création vue du point de vue de l'âme, mais non pas vue du point de vue des forces créationnelles, des forces intentionnelles, donc des forces qui n'existent pas au-delà de la création et qui ont engendré la création. Donc, du point de vue de l'homme, effectivement, tout est basé sur l'atome. Cela veut dire que la conscience de l'homme est exprimée à travers un phénomène atomique, donc les atomes de son cerveau, de son système endocrinien, de son corps physique. Cela veut dire aussi que toute la matière au complet étant constituée d'atomes, ce qu'on prend, on parle de création, on parle donc d'une gestion atomique. OK. Est-ce que ce ne sera pas un véhicule, justement, que le centre source utilise pour la création? Bon, le centre source fait référence à l'endroit sans coordonnées géospatiales d'où proviennent les énergies qui permettent à l'homme de s'abreuver à une conscience. Le centre source est paramétré par une correspondance d'ajusteurs de pensée, c'est-à-dire que du centre source qui n'a pas de coordonnées géospatiales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de la création se trouve présentement exactement à côté de ton oreille gauche. Et en même temps, il se trouve à côté de l'oreille gauche de n'importe qui, ou de l'oreille droite, ou du nez, ou de l'œil, ou du nombril. Et ce centre source, la première effusion énergétique qui va le traverser devient de l'énergie intentionnelle qui a la faculté de gérer, donc d'auto-gérer tout ce qui est créationnalisé à l'intérieur de notre monde, de ce qu'on appelle la création. À ce niveau, ce n'est pas des atomes. À ce niveau, c'est de l'énergie qui n'est même pas régie par la limitation qu'Albert Einstein avait établie à partir de la relativité, c'est-à-dire 299 792,5 km à la seconde de vitesse de déplacement maximale des sources énergétiques dans notre contexte. Au niveau des forces intentionnelles, donc souvent certains appellent le plan divin, mais ça n'a rien à voir avec les dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, eh bien, dans ce niveau-là, il n'y a pas d'atome. Si cette énergie, cette supra-énergie, lorsqu'elle devient un peu plus densifiée, on appelle ça une effusion, elle devient de l'énergie qui fait référence à une force magistrale, celle qui va bloquer l'expansion évolutive de l'univers. Et on appelle souvent celle-là la force du Fils, la force d'amour, et on parle en ésotérisme du plan bouddhique, même si ça n'a rien à voir avec Bouddha. Et par la suite, on entre dans un contexte supramental qui, là, dans ce niveau-là, nous allons retrouver des mécanicités atomiques qui vont avoir la faculté dans notre monde de supporter les contextes supramentaux. Et par la suite, on ne fait référence qu'aux phénomènes atomiques pour supporter les contextes mentaux de l'âme, les contextes astraux, donc psychologiques de l'âme, la peur, les émotions, le désir et la mémoire, les contextes vitaux, les contextes de matière. Donc, à partir du contexte supramental, donc à l'instant où on rentre dans une énergie qui est gérée par une galaxie, en l'occurrence la Voie lactée pour la nôtre, eh bien, on fait référence aux atomes. OK, tu as mentionné la vitesse de la lumière. Est-ce que tu veux, au-delà de la vitesse de la lumière, il n'y avait pas d'atomes. Est-ce que tu veux dire que justement, au-delà de la vitesse de la lumière, il y a autre chose qu'une atome? Voilà. Si un être humain voyage à la vitesse de la lumière, premièrement, à quoi ressemblerait la lumière pour celui qui voyage à la vitesse de la lumière? La lumière ressemblerait à un bloc extrêmement rigide, étant donné que chaque photon, chaque particule lumineuse voyage à la même vitesse que l'observateur, donc les choses cessent de voyager. Étant donné que tout cesse de voyager parce que tout voyage à la même vitesse, n'est-ce pas? Si tu vois un train passer, il défile à une certaine vitesse. Si tu rentres dans le train, ben les passagers ne défilent plus. Ils vont à la même vitesse que toi, donc ils ne bougent pas. Alors, dans ce monde de photons, les photons ont une masse, même si bien souvent, ils ont une masse, disons, électronique, une masse énergétique, ils n'ont pas de masse matérielle telle qu'on le conçoit normalement, mais ils ont une masse. Alors, j'ai déjà suggéré une expérience que tout le monde peut faire, celle de mettre un petit miroir debout, à la verticale. Il y a un petit miroir, une vitre en miroir qui tient tout seul. Et on l'éclaire avec une lampe de poche, et puis on ne l'éclaire plus. Et lentement, le miroir va commencer à osciller, il va finir par tomber. Alors, on a aussi d'autres appareils qui existent aujourd'hui qui nous permettent de détecter le poids, disons, de la lumière, même si apparemment, les photons n'ont pas de masse. Alors, lorsque l'individu voyage à la même vitesse que la lumière, il est dans un monde de très, très, très, très dense, qui est près de 300 000 km à la seconde. Au-delà de cela, jusqu'à date, dans le continuum spatio-temporel dans lequel nous sommes limités, rien ne va plus vite que la lumière. Par contre, il y a une mécanicité d'instantanéité qui porte le nom, au niveau du Québec, d'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale va être réfléchie dans la matière par les structures atomiques, en l'occurrence les structures des atomes qui font partie de la colonne la plus à l'extrême droite du tableau périodique, c'est-à-dire les gaz rares. Alors, on aura l'hélium, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, entre autres. Et ces gaz rares dans l'atmosphère auront une tendance à se multiplier au fur et à mesure de l'évolution supramentale sur le plan planétaire. Et pour que cela se fasse, les couches protectrices, les couches conservatrices des traditions astrales, les couches atomiques qui structurent le monde de la mort, en l'occurrence le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène, et devront être altérées. Et c'est pourquoi, à l'étape actuelle de l'évolution de l'homme, je le dis souvent, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien, eh bien, la couche oxygène O3, qu'on appelle ozone, est justement en train d'être détruite dans certaines régions, au-dessus de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord, étant donné qu'il y a des champs électromagnétiques qui attirent certaines choses dans ces niveaux-là, mais au-dessus aussi de certaines grandes villes, comme certaines villes américaines, les villes canadiennes, les villes soviétiques. Quand tu dis « attire certaines choses », c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est une forme de tellurie et selon le poids, selon la masse, selon la structure atomique de certains atomes, eh bien, ils vont voyager, comme ils vont donc migrer, comme certains oiseaux vont le faire, vers les pôles. Alors, on n'aura pas la même concentration atmosphérique au niveau des pôles qu'on aura à l'équateur. En plus de cela, il y a nécessairement la rotation de la planète qui donne une vitesse beaucoup plus rapide à l'équateur qu'au pôle, ce qui engendre d'ailleurs les courants de vent. Alors, il y a plusieurs phénomènes qu'on pourrait jaser pour expliquer pourquoi il y a une densification de destruction d'ozone vers les pôles, en l'occurrence. Alors, donc, je ne serai pas long. Donc, la structure supramentale, lorsqu'elle est à l'extérieur d'un contexte atomique, elle est instantanée. Maintenant, Albert Einstein a bien prescrit que rien ne pouvait aller plus, se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière. Ce n'est pas parce que la vitesse de la lumière est la vitesse maximum. C'est que la vitesse de la lumière, c'est que la lumière pourrait voyager plus rapidement que 300 000 km à la seconde, mais la lumière dans notre continuum est limitée à la vitesse de déplacement maximum permise par la matière qui est créée dans notre monde. Donc, la lumière s'appuie sur cette vitesse maximum, 300 000 km, et ne peut pas aller plus lentement ou plus rapidement. Lorsque tu fais référence à la matière qui ne peut pas aller plus rapidement ou moins rapidement lorsqu'elle devient lumière, là, est-ce qu'il y a autre chose dans notre galaxie qui peut voyager plus rapidement? Et autre chose, le terme est inexact, c'est-à-dire qu'il y a effectivement possibilité de déplacement plus rapide, c'est-à-dire que, mais ce n'est pas des choses qui se déplaceront, donc ce ne sont pas des objets matériels. La matière, justement, qui est la matière ne peut pas. Par contre, il y a ce qu'on peut appeler une supra-énergie, en l'occurrence l'énergie supramentale, qui, elle, a la faculté d'instantanéité, donc est instantanément dans tous les endroits, ce qui, du point de vue déplacement, est drôlement plus rapide que le petit 300 000 km à la seconde, c'est-à-dire 500 fois aller-retour Montréal-Chicoutimi en passant par Québec en dedans d'une seconde, ce qui est extrêmement lent. Alors, lorsqu'on fait référence au phénomène supramental, non exprimé dans la structure atomique de l'homme, et on parlait justement des mystères de l'atome, c'est-à-dire que l'atome va paramètre les limites de l'homme, l'atome paramètre aussi la conscience de l'homme, l'atome paramètre le monde de la mort, donc les structures astrales de l'homme, l'atome paramètre toute sa gestion évolutrice, et dans l'atome, il y a aussi, un peu comme dans un grain de chêne, dans un gland de chêne, si on prend une photographie qui revient, eh bien, on va avoir une idée de ce que sera le chêne. Dans l'atome, à l'intérieur des structures matérielles de l'homme, il y a aussi, d'une façon, non pas qui revient, mais disons, pour faire un parallèle, le dessin futur de l'homme, ce que sera la gestion atomique dans les 15, 20, ou 30 000 ans d'ici, et dans cette gestion atomique, nécessairement, nous retrouvons ce que sera l'homme et ce que sera nos sociétés. Avant de passer à une description de l'atome, Daniel, dernière question. Est-ce qu'il y a autre matière que la matière du corps physique qui peut devenir lumière? Bon, oui, ça va de soi. De toute façon, si on parle de matière, on peut parler dans un contexte énergétique de différentes expressions de l'énergie ou à l'inverse de différentes expressions de la matière. Alors, on peut parler d'une matière mentale. Lorsque l'être humain pense à une idée, il crée une substance mentale qui est justement l'idée, c'est-à-dire une forme électromagnétique, donc neuro-électromagnétique, que l'être humain peut conscientiser par une structure plus basse, qu'on appelle la psychologie, l'âme, le corps astral, et donc on parle de matière mentale. Cette matière mentale qui est extrêmement subtile, eh bien, si l'âme a, par le biais d'une partie de son enveloppe, que moi j'appelle l'interpréteur actionnel, la partie de l'âme qui interprète la pensée pour la transmettre en action, ce qui nous permet de bouger, eh bien, si cette partie a la faculté de prendre la matière mentale et de la densifier, c'est-à-dire de l'effuser, de la refroidir, eh bien, on va engendrer une matière astrale, c'est-à-dire une impression tellement puissante dans l'ego, dans l'âme, que cette matière peut engendrer des sécrétions endocriniennes au niveau du corps physique. Donc, lorsque la matière mentale est devenue une matière astrale, l'être humain va commencer à avoir hâte que ça arrive, il va déjà transpirer, il aura déjà la possibilité de jouir émotivement, parce que maintenant, la structure est devenue de la matière astrale et ça a une incidence endocrinienne sur le corps physique de l'homme. Si on densifie encore la matière astrale, on peut en faire de la matière éthérique planétaire, c'est-à-dire de la matière vitale. Et si on en fait de la matière vitale, eh bien, si c'est mal canalisé, ça peut devenir des maladies qu'on appelle psychosomatiques, engendrées par l'âme et somatisées dans le corps physique. Et cette énergie vitale, qui est de la matière vitale, c'est ce que nous retrouvons aussi dans les apparitions fantomatiques. Lorsque nous parlons de l'ectoplasme, c'est de l'énergie vitale qui commence à prendre forme parce qu'il est un petit peu plus refroidi. C'est de la matière aussi. Si on parle de la vie, vois-tu, la vie, il y en a toujours eu, il y a la même quantité de vie dans notre création qu'il y a toujours eu depuis 15,5 milliards d'années. La matière, il y a un contexte qui fait que rien ne se crée, rien ne se perd du point de vue de la matière, tout se transforme. Et au niveau de la vie, c'est la même chose. La vie, il n'y a pas de plus de vie dans la création, il n'y en a pas moins. Par contre, elle passe d'un véhicule différent à un autre véhicule différent. Cette vie, c'est cette matière vitale dont je parle. Et si on l'effuse un peu plus, elle sera capable d'orchestrer des structures atomiques pour en faire des molécules plus, de plus en plus complexes, pour en faire des véhicules, et ces véhicules pourront devenir les véhicules de l'homme. Alors, il y a la matière matérielle, la matière physique, qui n'existe que parce qu'il y a des relations intra-atomiques, des liaisons covalentes, ioniques, etc., qu'on appelle aussi matière vitale, qui existe que parce qu'il y a une matière astrale pour pouvoir conserver la mémoire totale de l'objet. Et la matière mentale existe seulement dans les contextes où il y a une orchestration atomique, un cerveau cartésien suffisamment puissant pour pouvoir la créer. Alors, on a donc quatre formes de matière, la matière mentale, la matière astrale, psychologique, la matière vitale, la matière physique. Au-delà de cela, on parle du contexte supramental, qui va s'exprimer dans la structure atomique de l'homme, mais qui n'est pas atomique, qui est supra-énergique. OK, on n'a pas emporté un tableau ici pour rien. J'imagine que tu avais l'intention de décrire... J'avais. Pardon? J'ai dit j'avais. Alors, si tu avais, j'aimerais que tu passes à l'action et que tu nous décrives, tu nous fasses une description de l'atome pour qu'on parte à la base, puis de là, on va... Alors, je vais barbouiller les petites choses, effectivement, oui. Si les crayons veulent bien marcher, fonctionner. Alors, ce que je vais dessiner, c'est des choses qu'on connaît déjà. Tu peux m'interrompre au fur et à mesure, c'est intéressant. Premièrement, on sait que l'atome, c'est un noyau autour duquel tourne un électron. Ça va jusque-là? Ici, j'ai dessiné un atome d'hydrogène, hydrogène léger, H. Et il y a donc un électron qui tourne autour d'un proton. Maintenant, ce qui arrive dans la structure matérielle, bien souvent, c'est qu'il y a un autre cosin, n'est-ce pas, qui vient se coller là-dessus, qu'on appelle neutron. Et ça engendre un noyau d'hydrogène lourd. Et dans le cas de l'hydrogène, il peut même y avoir une autre partie neutron. Et là, on a un hydrogène encore plus lourd. On parle de deutérium, on parle des noms scientifiques sur lesquels on va passer. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la structure atomique, et ça, c'est une chose qui semble extrêmement théorique de prime abord, Mais bien souvent, on apprend des choses et on n'arrive pas à s'en servir parce qu'on ne veut pas, une fois qu'on a appris les choses, observer dans la matière, c'est-à-dire on ne veut pas contempler ce qu'on a appris par rapport à la réalité extérieure. J'ai déjà expliqué à des gens que leur corps physique était fait de cellules. Et ils m'ont répondu, tout le monde sait ça. Ouais. Fait que, même si on ne l'aurait jamais su, ça n'a rien changé finalement, parce que cellules, vos cellules, on s'en balance. Sauf qu'effectivement, notre corps est bâti de particules qu'on appelle des cellules qui s'allient ensemble et qui arrivent à créer en se spécialisant à partir d'un zygote, d'un ovule fécondé, deux petites cellules. Eh bien, ça se spécialise, ça crée des os, ça crée du sang, ça crée d'autres liquides, ça crée des tissus musculaires qui vont être rouges, striés, les tissus volontaires qui vont être lisses, les tissus intestinaux, des tissus musculaires de ce genre, ou qui vont avoir les deux particules, en l'occurrence, les tissus cardiaques. Ça crée un cerveau, des neurones, il y a un prolongement du cerveau qui crée les yeux. Et c'est pourquoi il y a énormément d'initiations qui se font par le système oculaire et qu'on parle de la lumière pour parler de conscience, c'est parce que l'œil est un prolongement du cerveau. Ça crée toute une phénoménologie intéressante avec un crâne chez l'enfant qui sera suffisamment malléable, n'est-ce pas, au niveau des fontanelles pour sortir à travers la mer. Et ça crée des choses dans le genre. Et quand on dit l'homme est créé de cellules, même ça, c'est créé de particules atomiques, mais là-dedans, il n'y a pas de vie. Ah oui, c'est sûr, c'est en plastique. C'est ça qui est le problème, c'est que l'être humain apprend énormément, mais il ne fait rien avec ce qu'il apprend. Et ça, c'est un problème. Nous parlons d'atomes. Eh bien, si je prends un peu un noyau et que je mets quelques électrons autour, eh bien, de ce noyau, j'aurai un atome. Cet atome, c'est l'hélium. Quelle est la différence entre l'hélium et l'hydrogène? Simplement la quantité d'électrons et aussi la quantité de protons à l'intérieur. Mais ça veut dire quoi? Excusez. Ça veut dire que... Voilà. Ça veut dire que... Les électrons de la misère à passer. Ça veut simplement dire que si je prends du plomb et que je joue un peu avec la quantité d'électrons qui tourne autour de son noyau, j'en fais de l'or. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si je prends du soufre, dans le jaunâtre, eh bien, si je rajoute quelques électrons et si je tripote un peu le noyau, eh bien, j'en fais du fer, j'en fais de l'uranium, j'en fais n'importe quel métaux que vous voulez avoir. Et ce qui est intéressant de constater, c'est simplement que le verre, eh bien, c'est exactement la même chose que le papier. La seule nuance, c'est qu'il y a des électrons de plus ou de moins dans la structure de ce verre. Et que l'agencement des atomes va adopter une forme de cristal, cristallin particulière, une gestion de molécules différentes, et j'aurai soit du charbon, qui est du carbone pur, noir et friable, soit du diamant, qui est du carbone pur, mais transparent et presque indestructible. Mais c'est le même carbone agencé simplement différemment. Alors, lorsque l'être humain... Oui? Cet agencement différent dont tu viens de parler, est-ce qu'on ne pourrait pas, ou est-ce que ce ne serait pas ce à quoi les gens occultes ou initiés du passé faisaient référence lorsqu'ils parlaient de taux vibratoire? Non, le taux vibratoire, c'est la rapidité avec laquelle un électron peut se déplacer autour d'un noyau, ou c'est la rapidité avec laquelle des électrons dans une liaison amoureuse, qu'on appelle souvent covalente, peuvent se déplacer autour d'une structure moléculaire. Et on va aussi amener le taux vibratoire, en l'occurrence, en rapport avec la rapidité par laquelle une quantité d'énergie peut traverser une quantité de neurones à l'intérieur d'un cerveau humain. C'est-à-dire, oui. Il y a transformation à ce moment-là, aussi bien de plomb en or ou... On parle d'alchimisation, ce sont les alchimistes bien souvent qui en parlaient, et effectivement. Alors, ce qui est la première chose qui est utile à retenir, mais pas à apprendre comme ça, mais effectivement, c'est... C'est comme à un moment donné, j'étais dans le bois avec des individus, et puis, j'ai mis le noir. J'étais dans le bois avec des individus, et on regardait la Lune, on regardait la Voie lactée, les galaxies. Et quand tu dis à l'être humain, ben toi, ça c'est la Lune. Encore une fois, on trouve dans la Lune, hein? C'est évident que c'est la Lune, c'est ça. Là, je leur dis, tu te rends compte de la masse, ça tient tout seul. Ah oui, c'est génial. Puis il y en a qui me demandent, M. Kem, est-ce qu'on peut rajeunir? Ça tient tout seul là-bas, puis ils demandent si on peut rajeunir. L'être humain ne se sert à peu près de rien. Ce que j'explique ici ce soir, au niveau de l'atome, c'est pas juste de l'apprentissage chimique ou physique ou astrophysique ou physique nucléaire. C'est comme ça que l'être humain est bâti. Et si à travers juste un électron de moins ou de plus, ou etc., un neutron ou un proton de moins ou de plus, Si à travers la gestion des forces fortes du noyau atomique, ou à travers ces gestions de, les gestions des autres forces qui cumulent, qui, donc, qui agglomèrent l'univers, eh bien, si à travers quatre forces, si à travers simplement un neutron, un proton, un électron, et l'agencement différent de ça, on est capable d'avoir tout ce que nous avons sur le plan planétaire, pas seulement les différents, les différentes particules atomiques du tableau périodique, c'est-à-dire le fer, le cuivre et ces choses-là. Non, on est capable de prendre les mêmes constituants atomiques, donc les mêmes molécules, les mêmes atomes, et on les mélange différemment et on en sort une carotte. On les mélange différemment et c'est un navet. On les mélange différemment et c'est une patate. Bon, alors on prend les mêmes choses. On les mélange différemment et c'est une balle de fusil, ou presque. Bon, il faut éliminer quelque chose à faire, mais quand même. Quand on parle de structure organique, bon, si on regarde le singe, vous connaissez ça, les singes? Si on regarde le singe et qu'on regarde son code génétique, qui est un code atomique, eh bien, il y a 99 % de tout le code génétique du singe est absolument 100 % identique au code génétique de l'homme. Il y a un petit pourcent de différence à l'intérieur du code génétique, et ça fait que le singe est aussi singe qu'il est singe, puis que nous, on est aussi nous que nous sommes nous. Cela veut dire qu'il manque presque rien comme nuance, mais ça change. Le fait de comprendre l'idée peut nous permettre de comprendre ce que c'est qu'une cellularisation, la possibilité qu'a l'humain de se muter, mais ça peut nous permettre de comprendre aussi de quelle façon la structure atomique ou la matière va gérer, gère présentement nos vies, parce que nous pouvons comprendre ce que nous pouvons comprendre à cause de ceci ou de cela. Quand certains vont dire, mais si tu changes ton alimentation, tu peux arriver à avoir une pensée plus pacifique, c'est évident. Parce que si la partie neuronique ou si certaines parties endocriniennes de ton corps physique, en l'occurrence ceux qui sécrètent certaines formes d'hormones, etc., certaines glandes endocrines, n'ont plus ce qu'ils ont besoin pour arriver à exprimer ce que tu étais avant, disons, la colère, veux, veux pas, tu ne pourras plus finalement, après un laps de temps de colérique, c'est impossible. Ou tu te suicides, ben non, tu parles. Changer l'alimentation, c'est nécessairement changer la part atomique que nous amenons à notre corps physique. Donc, le corps physique devra se nourrir de ce qu'on lui amène, et si nécessairement il est capable de l'assimiler, parce que c'est quand même une chose, eh bien, l'être humain va changer. Il y a donc possibilité d'évolution par l'alimentation, parce que nous buvons aussi, et par un paquet d'autres choses qu'on va voir là-dedans. Alors, ce qui est c'est pour l'être humain, mais le singe, tu peux lui donner n'importe quoi à manger, puis le petit 1 % qui lui manque, il ne changera pas. Oui, il va changer. Ah, ça va lui prendre un peu plus de 4 milliards d'années. On ne sera pas là pour vérifier. Vois-tu, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout dans l'univers tend vers le repos. C'est la structure atomique elle-même qui amène cela, c'est-à-dire qu'il semble manquer d'énergie. Alors, si on a de l'eau chaude, elle se refroidit. Maintenant, si on laisse l'eau chaude se refroidir, parce que quand on dit tout tend vers le repos, du point de vue atomique, c'est totalement faux. L'eau chaude va prendre la température de l'environnement. Si tu la laisses dans un endroit où il fait chaud, elle va rester chaude. Oui, mais l'endroit qui fait chaud va se refroidir. À moins qu'il y ait une source d'énergie. À moins que tu lui amènes toujours de l'énergie, preuve que si tu n'amènes pas d'énergie, tout tend vers le repos. C'est de l'effusion. Mais si on prend une structure et qu'on la laisse tendre vers le repos, total, touche et je ne dis pas, tu vas te brûler. Alors, on a déjà expérimenté l'idée avec la glace, mais la glace n'est pas encore assez froide. Encore très chaud de la glace. La preuve, on peut même, avec un échangeur de chaleur, prendre la chaleur qui est dedans et refroidir encore plus. Dans notre univers, on a des soleils qui finissent par se refroidir, et devenir tellement froid que finalement, ils éclatent en libérant une quantité astronomique d'énergie et on recommence encore au niveau de la chaleur. Tout semble tendre vers le repos et en même temps, tout ce qui se réchauffe est exponentiel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton singe qui est ici, eh bien, ça va lui prendre 1 milliard d'années à se rendre ici. Ça va lui prendre 3 milliards d'années à se rendre ici, ça va lui en prendre 500 millions d'années à se rendre ici, et plus ça va aller, plus ces changements seront rapides dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai donné une conférence à des professeurs, et puis il y a un bonhomme qui connaissait tout qui m'a dit qu'en France, il y a une personne qui avait déterminé que l'être humain ne mutait pas plus que 5 % de son code génétique par génération. Et ça faisait que l'enfant nouveau et l'homme nouveau dont je parle souvent, selon lui, ça ne se pouvait pas. Parce que présentement, il y a une mutation radicale de la partie nord-planétaire de l'humanité. Et si on s'amuse à faire les calculs, si c'est 5 %, ça veut dire que dans 100, il y a 20 fois 5 %. Donc, en 20 générations, l'humain a changé à 100 %. Puis, je parle de point. Moi, j'ai besoin de ça ici pour que ce que j'amène soit réel. Et lui, il me dit que c'est prouvé que c'est 5 %. Alors là, preuve qu'il se les mette loin, parce que ça ne se peut même pas 5 %. En 20 générations, donc en 20 familles, ça veut dire en près de 400, 500, 600 ans, l'humanité a passé de l'homme qu'on est actuel à l'oiseau, je ne sais quoi, c'est 100 % de mutation. Bon. La structure atomique, faire attention donc quand on amène des choses, si on ne sait pas compter, t'es professeur de géographie. La structure qui constitue l'homme est une structure atomique, et dans l'atome, il n'y a que trois majeurs constituants. Je ne sais pas si je peux avoir droit à un crayon. Un quoi? Avec un crayon. Okay. Non, on ne verra rien ici. Là. Les atomes sont plus gros que ça, là. Je pense que peut-être. Ça serait un crayon pour un homme du poisson. Bon, ça va trop pire, j'en vais. Envers et contre tout, nous allons continuer, n'est-ce pas? Bon. L'atome est constitué, en l'occurrence, de trois particules majeures qui s'appellent neutrons, qui s'appellent protons et qui s'appellent électrons. On va laisser faire toute la structure des gluons, la structure de toutes les particules subatomiques. Ça ne sert à rien d'en parler pour l'instant. Bon, c'est plus, on en parle de temps en temps dans les conférences privées, mais voilà. Ce qui est important de comprendre, la première chose, c'est qu'au niveau atomique, on a notre noyau, on va laisser faire proton, neutron pour l'instant, notre noyau, et notre électron qui tourne autour du noyau. L'électron qui tourne autour du noyau devrait, en théorie, s'écraser sur notre proton. Et c'est comme, c'est une vision. Ce que j'amène ici, le spiritualisme est bâti d'atomes. Je prends une aiguille, je tripote son cerveau, puis notre spiritualisme, il n'est plus spiritualiste. Et si je travaille convenablement, je peux en faire un tueur, je peux en faire un cartésianiste, je peux en faire ce que je veux avec. Je n'ai qu'à changer sa structure neuronique, donc atomique cérébrale, pour faire de ce robot ce que je veux. Bon. Présentement, c'est la génétique qui nous bâtit. Notre électron est toujours attiré vers notre noyau. Et toute la nature est bâtie de la même façon. L'électron s'en va à une vitesse folle vers le noyau. Et on sait que l'électron, finalement, ne touche jamais le noyau, que ça fait une espèce de rotation particulière. C'est la même chose dans notre univers. C'est la même chose si on parle d'une planète et de son soleil. C'est la même chose. Maintenant, la Terre était totalement attirée vers notre soleil. Pourquoi elle n'y va jamais? Pourquoi elle tourne autour? Alors, on va avancer la théorie que c'est parce qu'en réalité, notre électron tend à fuir par son énergie cinétique. Mais moi, j'ai déjà pris une corde que j'ai fait tourner voir, puis c'est vrai, la cacane, elle voulait se pousser. Et quand j'ai arrêté de la faire tourner, ça n'a pas été long qu'elle ait mis tombé sur ma main. Sur ma tête, j'étais jeune, mais après ça, quand je l'ai fait, attention. Bon. Pourquoi notre électron ne vient pas sur le noyau? Pour la simple raison que notre noyau est toujours en fuite. Il fuit partout où il peut, comme notre soleil, comme la Terre le fait par rapport à la Lune, et notre électron est en chute continuelle vers son noyau. Mais ce qui arrive simplement, c'est ça qui est comme je dis, c'est un crayon de poisson, il faut viser tout ça. Ouais, mais notre noyau est ici, et tu as ton électron qui tombe. Et comme ton proton, l'électron est ici, il tombe sur le proton. Et comme le proton est toujours en train de fuir, eh bien, ça donne l'illusion de la rotation. C'est une chute perpétuelle. Si la fuite est convenablement orchestrée, on aura réellement l'illusion d'une rotation. Il n'y a pas de rotation. Quand on parle du système atomique et de rotation, en réalité, c'est totalement faux. Est-ce qu'on n'a jamais réussi, je ne me trompe pas, Daniel, à photographier l'électron qui tourne, qui gravite autour de... On a vu des électrons, c'est-à-dire qu'on voit surtout les traces laissées dans les cyclotrons par des électrons. La problématique, et c'est une chose qu'on doit encore comprendre, et l'homme est bâti de ce petit gadget, ici, c'est que les expériences qui sont faites à travers l'astrophysique amènent des particularités intéressantes comme celle-ci. Tu poses une question. L'électron, disons qu'ici, je lui fais deux yeux, un nez et une bouche. Ça, c'est notre électron. Si je le tourne 180 degrés, donc demi-tour, je vais avoir un électron qui aura, disons, ses cheveux en arrière. Si, et ça, on a fait l'expérience, je laisse tomber les moyens techniques qu'il y en a en physique nucléaire pour les faire. Si on le retourne encore à 180 degrés, on devrait voir la face. Eh bien là, on voit d'autres choses. Et on le retourne encore de 180 degrés et on voit d'autres choses. Et on le retourne encore à 180 degrés, et là, on revoit la face. Ça veut dire que dans notre contexte aberré, moi, je fais un tour complet en 360 degrés, tandis que l'électron, lui, va faire un tour complet en deux fois 360 degrés, dans notre monde. Nous sommes bâtis d'électrons de noyaux. Nous prenons une particule électronique et ce sont les expériences qui ont été faites. Présentement, je préfère me contenter de ce qui a été fait. C'est déjà assez que d'autres ne comprennent pas pourquoi ça marche. Alors, ils ont pris un mur et ils font un trou dans le mur. Ils mettent une plaque photographique de l'autre côté et ils arrivent à lancer un électron. Et là, ils se disent, l'électron va-t-il passer par le trou? Suspense. Et oui, l'électron passe par le trou. Ça paraît. Et ici, on arrive sur la plaque et on voit tout. Il y a même des traces qui sont laissées. Alors, on dit, on va faire deux trous. Et là, par quel des trous notre électron va passer? Et maintenant, on sait que l'électron se casse pas la tête, il passe par les deux trous. Et c'est prouvé. Alors, ils ont fait l'expérience de plusieurs trous. Et il n'y a pas de problème, l'électron passe. Un électron passe par tous les trous en même temps et il se reconstitue de l'autre côté. Mais il ne s'est pas défait. Il passe par tous les trous. Mais ce qui est juste intéressant de saisir, c'est qu'étant donné qu'au niveau des structures atomiques... Dans cette expérience, est-ce qu'il y en a une partie qui ne passe pas? Non. Tout passe. Tous les trous sont visités par l'électron. Tous les trous. Par un électron. De l'autre côté, il y a reconstitution. Il n'y a pas reconstitution. L'électron, apparemment, ne s'est jamais scindé. Et d'ailleurs, effectivement, ne s'est jamais scindé. Toi, comment t'expliques ça? Un peu plus loin. Tout ce que je veux qu'on comprenne pour l'instant, c'est que si notre électron... Parce qu'à un moment donné, une personne qui était tout à fait inconsciente a essayé de traverser une montagne, puis elle s'est frappée dedans. Et par la suite, génétiquement, ça s'est légué chez nous, on reste encore extrêmement convaincu qu'on ne peut pas traverser. Bon. Et là, les gens vont dire, c'est parce qu'il faut tout de suite de la foi. Il y a différents niveaux de foi, en l'occurrence, un niveau énergétique. Ça, c'est une des choses qu'ils ont fait ici. Ils se sont rendus compte que l'électron avait certaines traces, c'est-à-dire que l'électron tournait dans un sens particulier. Alors, l'électron, si tu regardes ton électron, il tourne comme ceci, légèrement penché, et la rotation se fait comme ça. Alors, ils se sont dit, on va prendre une photo de notre électron, parce qu'on arrive à le voir suffisamment clairement, dépendant encore des conditions de laboratoire. Et on prend une photo et on se rend compte que l'axe de rotation de l'électron est dans un sens. Il court toujours après le proton. Oui. On peut avoir des électrons libres si on veut. Alors, ils ont dit, bon, on va maintenant prendre une photo de l'autre côté pour voir l'autre angle. Là, on le voit comme ça. Là, on aimerait le voir comme ça. Alors, ils prennent une photo d'ici, ils le voient comme ça. Ils prennent une photo de l'autre côté et il est comme ça. Alors, ils disent, l'électron est gentil, il tourne toujours du bord où ce qu'on le prend en photo. Alors, ils sont rusés, les savants, ils ont dit, on va mettre deux appareils photo. Et ils ont pris des photos sur l'appareil de droite, l'électron tourne de même, et sur l'autre, il tourne comme ça. L'électron est capable de tourner dans les deux directions en même temps pour plaire aux deux observateurs. Bon. Et là, c'est simplement de la physique nucléaire. Et tout cela est maintenant prouvé. D'ailleurs, tous les savants, j'ai déjà dit, on n'a pas de cheveux sur la tête, c'est pas pour rien, c'est d'arrache. Bon. Tout cela sert à quoi? À instruire notre ego. Que si ce qui nous constitue est absolument, phénoménalement dissocié des lois qui régissent ce qui est constitué, il y a une problématique. La problématique, c'est que, ou bien les structures atomiques, lorsqu'ils s'associent entre elles, deviennent totalement folles. Alors ici, on a hydrogène, hydrogène, et on se partage des électrons, ce qui engendre une constitution plus ou moins hélium. Malgré que les deux particules restent de l'hydrogène, on appellera ça le gaz H2, le gaz hydrogène. Tout ce qui est énergétiquement constitué à partir des structures atomiques n'a pas les facultés ou n'a pas les pouvoirs de l'atome. Sauf qu'il y a une région planétaire, un endroit très particulier, relativement limité, dans laquelle les atomes, lorsqu'ils circulent, ont la faculté de dissociation du point de vue de leur énergie, c'est-à-dire, il y a une région sur la planète, pas très très loin d'ici, au Québec d'ailleurs, il y a des petites régions un peu ailleurs, mais quand même, où il y a une région matérielle sur la planète Terre, où les atomes ont la faculté, de plus en plus la faculté, de vivre, de retrouver leur point de vue énergétique, comme on les connaît lorsqu'on fait des études très limitées de l'atome. C'est-à-dire que les atomes commencent, il y a une région planétaire où les atomes ont la faculté d'être à plusieurs endroits en même temps, ce qui engendre des choses intéressantes. Quand tu dis qu'il engendre des choses intéressantes, c'est quoi ça? Fais-tu référence à une bilocation? Ben, une plurilocation, oui. Et cette région, ça t'intéresse de savoir où elle est? Non. Je vais quand même le dire. On va dire. C'est pas nécessaire. Mais comme dans toutes les fois au niveau de l'évolution de l'homme, c'est que l'être humain attend qu'on lui dise où ça se trouve. Et quand on le lui dit, bien souvent, il est déçu. Parce que l'être humain, il dit, prépare son sac à dos, prépare ses affaires. Ouhou! Et la seule région sur la planète où ça se passe, c'est dans ta tête, dans le système neuronique, dans le cerveau de l'homme. C'est là que ça commence à se passer. Et là, l'humain, il dit, oh, ben, c'est plate. Et parce que c'est dans la tête de l'homme que cette structure atomique est le plus développée et se développe le plus rapidement, où les électrons, tu parles des bilocations, effectivement, où on a des contingences d'électrons qui arrivent à vibrer, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, qui arrivent à vibrer certaines choses, et ce n'est même plus par dépolarisation qu'on communique à travers le système neuronique, mais il y a bilocation dans la tête, ce qui engendre une conscience de plus en plus grandissante, où l'être humain peut maintenant commencer à vivre un des mystères de l'atome, qui est celle de l'expression d'une force supramentale instantanée, qui n'est plus limitée par le déplacement électronique, c'est-à-dire de l'électron autour du noyau, mais qui va maintenant être supportée par les orbitales, les paliers énergétiques qui constituent même l'atome. J'ai expliqué pourquoi aussi. À la base, c'est-à-dire pas à la base, mais disons, une manifestation de ce que tu viens d'exprimer serait un voyage astral, un début. Ça, c'est les symptômes très, très, très, très bas. Un début, c'est ça. Oui, mais l'être humain qui se conscientise devient trop vite, bien trop puissant énergétiquement, il aura de la difficulté rapidement à faire des voyages astraux, à moins qu'il apprenne des techniques particulières. Il va même finir par cesser de rêver. Oui. J'ai perdu ce que je voulais dire comme ça. Bon, c'est bien. Alors, j'explique ici. Une des choses qui est... Les atomes, les électrons tournent autour. Et bien souvent, on a dessiné les électrons tournant autour et on dessinait des choses un peu comme ça, dans les symboles atomiques. Parce qu'en réalité, l'électron ne tourne pas autour du noyau. Et c'est ce qui se développe dans le cerveau de l'homme, c'est que notre électron ne tourne pas autour de son noyau. Jamais, jamais, jamais l'électron ne tourne autour du noyau. L'électron, lui, on peut prendre une photo d'un électron ici. On prend une photo d'un électron ici. Là, là, le problème, on ne sait pas par où il est passé pour y aller. La réponse, je la connais, les savants commencent à s'en douter, l'électron passe par tous les chemins possibles. En même temps. Puis il apparaît là où tu observes. Puis il arrive de tout partout. C'est plus simple. Cela crée une espèce de réceptacle, un orbital. Est-ce que, à ce moment-là, c'est un certain pouvoir sur la matière? Oui, c'est évident que si le cerveau de l'homme arrive à être suffisamment atomiquement gérant, il peut faire tout. Ça serait le début du pouvoir sur la matière dont on parle que l'homme va atteindre. Oui, les égaux appellent ça du pouvoir, mais disons de la puissance de l'homme, effectivement. On a donc notre noyau ici et l'électron couvre tous les chemins possibles en même temps. Donc, cela crée une espèce de nuage de chemin qui entoure totalement le noyau, donc quand l'électron circule, tu ne vois pas le noyau. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsque des atomes vont s'accoler ensemble pour créer des molécules, on aura un nuage complet, les électrons vont passer par tous les chemins pour engendrer ceci. La problématique, c'est que ceci, ce petit champ qui est engendré ici, énergétiquement, n'a pas la puissance qu'il pourrait avoir lorsqu'il devient associé pour constituer des molécules, en l'occurrence des cellules et des êtres, comme le corps de l'homme, entre autres. Donc, au niveau atomique, j'ai presque fini d'écrire. Au niveau atomique, lorsque l'être humain évolue, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience de l'homme? Au niveau de la conscience de l'homme, il y a deux systèmes majeurs au niveau du corps physique qui commencent à muter. À muter de quelle façon? À muter d'une façon atomique, c'est-à-dire à muter au niveau des structures mêmes, des atomes qui les constituent. C'est le système endocrinien qui permet l'expression corporelle de toutes les voies astrales, qui permet l'expression de la peur, de la gêne, de la honte, de la joie, de ce que l'être humain appelle le bonheur, du malheur, de l'amour, de la souffrance reliée à l'amour et tout ça. Il y a donc le système endocrinien et il y a le système neuronique, autre que le système hypothalamus-thalamus endocrinien. Il y a le système neuronique qui lui aussi va commencer à muter. Lorsque l'être humain recherche la mutation, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche voir si on a des nouveaux boutons. Il recherche à voir si tu grandis, si tu bronzes tout seul, même la nuit chez vous, si tu es grillé au clair de lune. Il cherche à savoir si tu as un doigt qui apparaît de plus. Il cherche à savoir si tu vas te mettre à rajeunir. Quel genre de mutation l'être humain recherche? Ah ben, la race bleue. Fait que là, de temps en temps, il s'étouffe, il vient bleu, puis là, il se regarde le miroir, puis là, il se dit, j'évolue. Bon, technique respiratoire, il va appeler ça. Ou encore qu'il s'hyperventile. La mutation, elle apparaît au niveau de l'atome. Et si la mutation apparaît au niveau de l'atome, elle n'est nécessairement pas visible à partir de l'atome. Nos yeux sont constitués d'atomes. Il ne faut pas attendre à ce qu'ils voient des atomes. C'est compliqué. Ça bouge les yeux à toute vitesse. Ça peut être de voir un atome. C'est comme quand tu es dans un véhicule, tu ne peux pas le voir de l'extérieur. Même chose, c'est comme ton œil ne se voit pas, mais il voit tout, sauf lui. Bon. Qu'est-ce que c'est que la mutation atomique? La mutation atomique, premièrement, le cerveau est constitué de neurones. Chacun de ces neurones est relié. Ici, il y a un neurone malade. Bon. Alors, on va... C'est un docteur. Ou un artiste. Étant donné que le neurone est relié par des fils qu'on appelle des axones et que chaque neurone est constitué d'atomes, parce que la médecine s'arrête au système cellulaire, qui est constitué de cellules. Mais les cellules sont constituées en chimie et en physique d'atomes. Disons en chimie d'atomes et en physique de particules atomiques, en l'occurrence, particules même subatomiques, constituant le noyau et l'électron, les quarks. Bon, si tu es constitué d'atomes, cela veut nécessairement dire que toute altération énergétique au niveau du champ électronique autour de ton noyau change la structure même des relations entre les atomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets de l'énergie dans un atome, à un moment donné, il y aura tellement d'énergie que mon électron va grimper et va tourner plus loin. On appelle ça un changement d'orbital du point de vue chimique ou physique. Si j'ôte de l'énergie, eh bien, lentement, mon électron retombe sur une orbitale inférieure et tourne plus proche du noyau. Et ça veut dire que si je suis capable de mettre de l'énergie dans un atome, je change l'orbital et je perturbe nécessairement toutes les relations atomiques qui sont reliées à cet atome. L'être humain, lorsqu'il se conscientise, on dit lorsqu'il se réchauffe, donc lorsqu'il gagne en énergie, il va pousser les électrons à changer d'orbital. Alors, il change totalement la structure atomique constituant son cerveau, entre autres, un peu le corps physique, ça peut le rendre malade, ça peut le rendre en santé, mais surtout au niveau neuronique, c'est là que les premiers changements vont se faire. Étant donné qu'il change la structure atomique, il change le neurone. Mais changeant le neurone, cela veut dire que ce neurone-ci ne se dépolarise plus pour rien. Alors, je vais expliquer une petite chose. Il se mentalise. Il devient insensible. Alors, je dessine des neurones bleus. Ils sont interreliés. Ce neurone-là, ici, se dépolarise et il y a d'autres neurones un peu partout qui sont reliés à d'autres structures. Le cerveau est rempli de neurones qui ne se touchent pas. Maintenant, il faut savoir en premier que l'âme est entourée d'énergie vitale, qu'on appelle le périsprit. L'ego est au milieu ici. L'énergie vitale, c'est l'énergie atomique des atomes constituant le corps physique de l'homme. Quand on voit l'aura de l'homme, on voit son corps astral. Bien, c'est sûr, on voit le rayonnement et l'atomique de ces cellules, donc des atomes constituant les cellules. L'âme, l'ego est une force, on parlait de matière astrale, alors on va parler présentement juste, disons, d'énergie astrale. Et l'enveloppe de l'âme, c'est l'enveloppe du corps physique, l'enveloppe atomique du corps physique, dont on peut voir l'aura. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que chaque fois que l'âme ici grouille à l'intérieur, il perturbe une partie de l'enveloppe que j'appelle l'interpréteur actionnel. Et perturbant cette partie de l'enveloppe, qui est une structure atomique qui constitue ton corps physique, il perturbe la structure atomique d'un neurone, de plusieurs neurones. Et c'est pourquoi, subitement, le neurone se met à se dépolariser. Se dépolarisant, il engendre un champ électromagnétique autour du chemin de dépolarisation. Ce champ électromagnétique que tout à l'heure j'appelais l'idée, l'image électromagnétique, quand on pense qu'on voit, c'est une image électromagnétique. Ce champ électromagnétique est nécessairement perturbe d'autres petits atomes, d'autres petits neurones, et ça perturbe nécessairement une partie de l'enveloppe de l'âme qui est créée à même l'énergie de ton cerveau et de ton corps physique. Donc, l'ego peut lire par les voies du thalamus ce qui se passe dans le corps physique et il l'exprime par les voies de l'hypothalamus. Très, très, très, très simplement, il y a une partie du corps physique qui transmet à l'ego ce qui se passe dans le corps et une partie qui transmet au corps ce qui se passe dans l'âme, donc dans l'ego. Donc, le champ électromagnétique ici permet à l'ego de lire et là, l'ego peut dire « je pense, donc je suis ». L'ego maintenant est au courant de ce qu'il pense. La problématique qu'on va voir dans les cerveaux chez l'animal humain bien souvent, c'est que le champ électromagnétique ici va venir achaler les systèmes atomiques des neurones les plus proches, et cela peut engendrer, à un moment donné, une perturbation suffisamment puissante que les neurones qui n'ont rien à voir là-dedans commencent à se dépolariser les uns des autres avec. Et ça fait que l'être humain va souvent faire du coq à l'âne. Il parle d'autobus, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui montait, il avait des drôles de souliers, puis finalement il parle de souliers, il parle de cheval, il parle d'hélicoptère, il s'en va comme ça, il n'y a pas de suite logique, parce que son cerveau est orchestré un peu comme mon dessin ici. La mutation atomique, elle amène, elle engendre premièrement une transformation au niveau des atomes des neurones, et de plus en plus des parties neuroniques des cerveaux de l'homme vont cesser de dormir. Hein? On a 88% de notre cerveau qui ne fout rien dans la moyenne des Québécois, et on a approximativement 12% du cerveau qui marche un peu, il y a 2% pour écouter de la musique, puis le reste pour réfléchir. Lorsque l'être humain commence à vivre une mutation, il y a des neurones qui ne servent pas à la dépolarisation de l'astral. Et c'est pourquoi on va dire qu'une grande partie des neurones du cerveau ne sert à rien. C'est parce que ces neurones-là sont trop consistants. Alors, lorsque l'astral, lorsque la psychologie vient interférer au niveau neuronique, au niveau du périsprit, ces neurones-là ne servent à rien. Mais lentement, il y a une mutation au niveau de ces neurones et atomiquement, les champs électromagnétiques commencent à changer. Et ces neurones vont commencer à être capables de se dépolariser, donc de transmettre dans le cerveau une image électromagnétique nouvelle. Cette image électromagnétique va apparaître seulement lorsque cet atome ici, lorsque les atomes constituant ce neurone, seront suffisamment énergisés pour ne pas être que des structures mortes, au niveau même s'il y a de la vie à l'intérieur, et lentement, elles vont se dépolariser suite à un contact avec soit une partie du périsprit, alors l'être humain qui peut devenir isométrique, isomère cérébralement, il peut avoir un ambidexe, peut être ambidexe au niveau de son corps physique, ça peut permettre la voyance, ça peut permettre la médium. Ça va se dépolariser à quoi? La voyance, c'est quoi? C'est que des parties du cerveau, des parties atomiques, qui maintenant sont capables de se faire altérer, et ça engendre une dépolarisation, suite à un contact avec le monde de la mort. La personne devient clairvoyant ou clairaudient. Dans la région de décodage des sons, devient clairaudient. La personne peut devenir guérisseur. La personne peut devenir plusieurs choses. Au niveau de la conscientisation supramentale, eh bien, il y a une grande partie du cerveau. Je voudrais juste savoir je voudrais savoir quelque chose à ce point-ci. Là. Ce que tu viens de décrire, là, tu n'en as pas, qui permet à l'individu de devenir clairaudient, clairvoyant, ainsi de suite, c'est une mutation, une accélération, j'imagine, des véhicules d'énergie, mais est-ce qu'ils ont atteint le niveau électrique à ce moment-là ou ils sont encore au niveau chimique? Ils sont encore au niveau biochimique. Au niveau biochimique. Au niveau de dépolarisation, c'est-à-dire c'est encore une question d'axone, c'est encore une question de sodium, de potassium et de chlore. Okay. Et donc, si c'est la personne prend d'alcool, si c'est une amélioration du système. Oui. C'est pas une transformation du système, c'est encore basé sur le biochimique. Et on réveille. Pardon? C'est un réveil. Ce n'est pas encore une mutation. C'est juste un haussement de vibratoire du système actuel. Exact. OK. Là, on a des atomes qui constituent nos neurones qui sont tout à fait transparents à une certaine forme d'énergie. On a remarqué cela au niveau atomique. Par exemple, on prenait des noyaux et on lançait des neutrons dessus. Quand des neutrons frappaient les noyaux, ils arrivaient tellement vite qu'ils rebondissaient. Ah, il ne se passe rien. Alors, on a inventé l'eau lourde, on l'a fabriquée, pour ralentir le neutron, de façon à ce qu'il arrive plus lentement dans les autres noyaux, et là, il les fait éclater. Et on appelle ça la fission nucléaire, on s'en sert dans les centrales nucléaires, les centrales atomiques. C'est un peu la même chose. L'énergie supramentale descend de vitesse tellement rapide que lorsqu'elle frappe certains neurones, ces neurones n'ont pas la capacité de réagir à ce contact supramental, et il laisse donc filtrer ceci au complet. Lentement, à travers l'énergie du périsprit de l'homme, une partie du contact supramental sera retenue, transformée en astral, sera exprimée maintenant par un système neuronique qui, lui, réagit très bien à la basse vitesse de l'expression de l'âme. Alors, c'est pourquoi toutes les personnes sur la planète depuis déjà plus de 30 millions d'années ont toujours exprimé d'une façon très colorée les choses divines, les choses de Dieu, les choses supramentales, les choses des Melchizedek, les choses extraterrestres, etc. Maintenant, la mutation, qu'est-ce qu'elle engendre? Elle engendre un système atomique différent qui vibre beaucoup plus rapidement et devient presque imperméable à l'expression de l'âme dans le neurone, donc dans une partie du cerveau. Et cela vibre à une vitesse tellement rapide que cela a la possibilité de retenir en mémoire les contacts, le passage de l'énergie qui n'est pas nouvellement exprimée, mais qui a toujours été là, l'énergie supramentale. Et là, le cerveau, le neurone ici, va maintenant se dépolariser à ce contact. Là, il devient électrique. Là, il devient électrique et on appelle cela, du point de vue ésotérique, l'ajusteur de pensée. Cela veut dire qu'il y a maintenant une partie du cerveau de l'homme qui a une mutation atomique qui lui permet de réagir, de se dépolariser à un contact nouveau. Alors, ça va engendrer nécessairement une lutte entre les parties astrales. Quand ça se dépolarise dans la tête, immédiatement, la partie astrale est au courant parce qu'elle va lire par le biais de son périsprit. Tout à l'heure, on l'a vu qu'il y a une partie, le thalamus, entre autres, qui permet de recevoir les informations corps-âme. Alors, même si c'est supramental, l'ego est au courant. L'ego étant au courant, il peut colorer l'information et la réexprimer par la voie traditionnelle des cellules. Et là, l'individu a maintenant une pensée supramentale et tout à fait coloré en même temps, imbibé de pensée astrale pour le préserver. Non, mais c'est bien, tu ôtes nos notes. Bon, on fait des photocopies en bas. La mutation, donc, je peux ici. Hein? Il y en a un autre qui s'en vient. Oui, je sais. La mutation... Au niveau atomique, elle fait quoi? Premièrement, dans l'atome, il y a donc justement l'un des premiers mystères intéressants, c'est que plus nous allons travailler notre corps physique, plus nous travaillons le système atomique du corps physique et plus nous travaillons nécessairement la capacité qu'aura nos neurones ou certains neurones du cerveau. Donc, aura la capacité de notre cerveau de retenir de l'énergie supplémentaire pour la transmettre d'une façon axonique, donc d'une façon cérébrale. Et de cette façon-là, nous aurons la possibilité de voir dans notre tête ce qui se passe. Voyant dans notre tête, on appelle cela réfléchir. Ça réfléchit de l'énergie, on le voit comme dans un miroir. C'est la même chose au niveau de l'âme. Quand l'âme réfléchit, il transmet au niveau neuronique, il crée une image électromagnétique que l'ego va lire par la suite, et on appelle cela réfléchir, je réfléchis. Et là, on peut donc réfléchir l'énergie supramentale et on va normalement réfléchir l'énergie astrale. Explique donc maintenant la clairvoyance, la clairaudience, suite à ce que tu viens de dire. Bon, juste une chose. Il l'a viré de bord. Ah, il l'a vu. Une chose qui est importante à savoir, c'est que celui qui a un système neuronique conventionnel, atomiquement lent, donc normal, eh bien, s'il prend de la drogue, s'il prend de la boisson, il va totalement être manipulé, sera défait. Si l'être humain a une conduction électrique au niveau cérébral, et quand on parle d'électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons des neurones ont une faculté intéressante, c'est qu'ils sont dans la région cérébrale, là où ils ont à être. L'électron n'est jamais confiné à tourner autour d'un noyau. On voit la photo d'un électron, mais s'il y a plusieurs noyaux, les électrons, ils sont fous là-dedans. Cela veut dire que dans n'importe quelle structure de la matière, l'électron qui est ici en haut, ça fait longtemps qu'il vient de couvrir tout le pot au complet. Puis comme il touche à la table, il vient même d'être transmis au reste. L'électron se promène ici, et la forme est mémorisée dans un système astral et vital. L'électron se promène comme un fou, ou une folle. Bon. Maintenant, dans notre tête, c'est la même chose. Lorsque l'être humain arrive à réchauffer suffisamment son système atomique, il arrive à redonner au système atomique, donc aux atomes, la possibilité d'être régi par des lois que nous allons retrouver dans des systèmes virtuels, en l'occurrence l'espace entre les planètes, sinon entre les galaxies. Et l'atome peut donc commencer à être plurilocalisé, c'est-à-dire que l'information atomique qui vient maintenant qu'un électron ou qu'un système atomique vient de recevoir au niveau d'un contact supramental est instantanément connu de tous les électrons ou les systèmes atomiques de la partie cérébrale qui peut connaître le phénomène supramental. Cela veut dire que lorsque l'être humain mute, alors on a une partie du cerveau ici qui communique par dépolarisation axonique, ce qui prend du temps, même si les liens sont très courts, ça prend du temps. En plus, étant donné que c'est une question de chlore, de sodium, etc., de potassium, eh bien, lorsqu'on prend de la boisson, lorsqu'au niveau du sang, lorsqu'au niveau du cerveau, on amène d'autres particules chimiques, eh bien, on vient ralentir énormément la conduction, donc la logistique de pensée de l'individu. Une autre partie du cerveau, lentement, lui, atomiquement, devient beaucoup plus énergétique. Je vais expliquer un peu ce que ça va donner chez l'homme nouveau. Étant donné qu'il devient plus énergétique, à l'instant où une partie atomique ici reçoit de l'information supplémentale, immédiatement, étant donné qu'il est partout, tout le reste le sait. Étant donné qu'il n'y a pas de... Il y a une réflexion neuronique du contact supramental, c'est pourquoi l'être humain se doit de parler plutôt que de penser supramental, parce que s'il pense supramental, en réalité, il ne fait que visionner la réflexion. Étant donné que l'ego est au courant et qu'il la colore immédiatement en réfléchissant à travers le même miroir, on a donc une coloration totale de ce que nous sommes en train d'avoir en termes de contact. L'être humain, lorsqu'il parle, lorsque la partie du cerveau qui se développe le plus rapidement est une partie au niveau de la tête qui a la faculté de contrôler le système laryngé et d'exprimer l'énergie à travers un vocabulaire particulier. C'est pourquoi on doit apprendre à parler au minimum une langue, mais pas une langue bâtarde comme bien souvent on fait au Québec avec les mots comme parking, shopping, où on mélange des mots anglais à travers les mots français, qu'on parle anglais, russe, polonais ou français. Et quand on veut parler évolution, on doit parler une langue. Et lentement, donc, l'énergie traverse ici et elle va aller chercher dans la mémoire une vibration particulière à ta langue et elle va l'exprimer par le centre laryngé. Et là, les oreilles vont l'écouter, ce que tu dis. L'écoutant, l'âme est informée, mais après l'expression de l'énergie. Donc, ce que tu as exprimé n'est pas coloré par ce que tu voulais exprimer ou parce que les archétypes ou les manipulations te forcent à dire. Et de cette façon-là, par la parole, lentement, l'être humain se libère. Maintenant, c'est comme n'importe quoi. Plus on s'en sert, plus ça se réchauffe. Tu viens de dire que lentement, par la parole, l'être humain se libère. Beaucoup ont commencé à pratiquer la parole et ils ont été plus pognés que libérés. Mais ça va de soi qu'ils sont pognés. En réalité, ils se libèrent, mais ils instruisent leurs égos. Mais l'ego devient pogné, lui, suite au passage de l'énergie supramentale. Plus ça va passer ici, plus l'ego sent qu'il devient de moins en moins le maître. Et nécessairement, si l'ego est trop puissant, ici, il y a l'ajusteur de pensée n'est pas expérimenté, c'est-à-dire que si ce qui sort à travers la bouche de l'être humain est totalement en désharmonie avec ce qui est vécu au niveau de l'ego, l'ego peut commencer à s'exprimer dans le corps physique de façon à bloquer les contacts, à détruire le cerveau, à rendre malade un individu, de façon à ce que l'énergie soit canalisée pour que l'être humain ne puisse pas trop fonctionner. On a déjà vu au niveau des forces manipulatrices de l'involution sur la planète, un être humain qui est marié, qui a des enfants, qui va bien, et pour l'empêcher d'avancer, sa femme commence à se droguer, ou son mari commence à sortir avec un autre, ou un enfant se fait tuer, ou un enfant, etc. De cette façon-là, ça occupe tellement l'individu au niveau de la consistance planétaire qu'il n'a pas le temps de continuer à évoluer. Et on a différents systèmes de religion qui font un peu la même chose, qui te culpabilisent, qui te maudissent, qui te font marcher tout sur une corde raide, ou d'un côté c'est l'enfer, l'autre bord c'est le purgatoire, puis en avant c'est le ciel. Moi, franchement, tu as plus de sens d'un bord ou de l'autre. Surtout qu'on s'organise pour vanter souvent. Bon. Alors, on a des systèmes comme ça qui sont des systèmes anti-évolution. Et par la parole, l'humain peut savoir parce que l'être humain marche du point de vue de son ego. Mais il n'y a aucun être humain qui parle et qui s'écoute parler en parlant qui peut se faire avoir. C'est celui qui parle et puis après ça, ben, qui prend conscience de ce qu'il a dit, des mémoires qu'il a dedans. Oui, donc, nécessairement, il va voyager astralement. On dit triper en anglais. Et nécessairement, notre individu risque de se faire avoir. Tandis que si l'être humain s'écoute parler, il n'y a aucun danger. Au niveau cérébral, il y aura donc une mutation qui va faire en sorte que l'énergie supramentale, dans l'Antiquité on appelle ça l'Esprit-Saint, traverse le cerveau de l'homme et va être arrêtée par certains neurones parce qu'ils sont bâtis par des atomes énergétiquement plus proliférants. Et si l'être humain développe son centre laryngé, ça se fait par la pratique de la parole, et bien lentement, l'être humain arrive à communiquer. Mais il arrive autre chose. Moi, j'aimerais juste, suite à ce que tu viens de dire, là, si tu ne veux pas le perdre, ça, expliquer qu'est-ce que le phénomène atomique qui s'est produit lorsque le Nazaréen a fait pénétrer l'Esprit-Saint dans 12 individus. Bon. 12 apôtres, lorsqu'il a fait descendre l'énergie supramentale. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ça ne s'est pas produit de la façon dont tu viens de décrire. Oui. Premièrement, lorsque le Nazaréen... Et une chose que je te disais dernièrement, quand même, c'est un petit commentaire intéressant ici. Ceux qui ont vu le film Damien Omen 2, La malédiction finale, c'est l'Antéchrist, donc le fils de Satan qui revient. Et puis souvent, on me demande pourquoi je parle du Nazaréen, non pas de Jésus, du Christ, de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth. J'ai des raisons. Je dis souvent que les initiés savent que le Nazaréen se faisait appeler Nazaréen parce qu'il était de la secte nazaréenne. Et c'est la façon la plus respectable, c'est son nom, son vrai nom. Et dans ce film, eh bien, on a les personnes qui ont fait le film sur l'Antéchrist se sont documentées convenablement. Et dans le film, on a justement Damien, donc l'Antéchrist, qui parle à un moment donné, qui maudit le Christ, et il l'appelle Nazaréen. Alors, il y a des choses comme ça intéressantes qui sont bonnes à rechercher. Ça donne une idée un peu de la valeur prophétique ou de la valeur, disons, sentimentale de ce genre de film. Nazaréen étant le nom initiatique, nécessairement, tous ceux qui ont connu le Nazaréen vont l'appeler Nazaréen. Et pas juste l'Antéchrist, les côtés, le côté pro-Christ, la même chose, mais on ne parle pas du Christ, on parle du Nazaréen. C'est la connexion cosmique et terrestre en même temps. Oui, quand tu parles du Nazaréen, tu te connectes à la mémoire archétypale de ce qu'il a été. Quand tu parles de Jésus, tu te connectes à la mémoire émotive, sentimentale et spirituelle de ce que les gens ont voulu en faire. Quand tu parles du Christ, tu parles de la mémoire théologique et émotive de ce que les religions ont voulu en faire. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu parles de l'alliance entre le peuple et les théologies au niveau de ce qu'ils ont voulu en faire. Et quand tu parles du Nazaréen, bien là, tu parles directement de l'archétype pur de ce qu'il a été, ce qui fait que tu n'es pas coloré. Le Nazaréen, donc, lorsqu'il a rencontré les 12 apôtres, c'est-à-dire qu'il a pris des véhicules physiques, atomiques, donc des corps physiques, habités par des égos et des âmes, tout à fait conventionnels, mais reliés à des faisceaux énergétiques de qualité différente, en l'occurrence, 12 faisceaux différents. Et c'est pourquoi il a ramassé, donc, ces 12 personnes. Bon, c'est intéressant, on va revenir avec cette réponse un peu lors de la deuxième, au début. Le Nazaréen va donc rencontrer ces personnes, et étant donné que lui, à l'âge où il va rencontrer, il a une structure atomique tellement énergétique, il y a tellement d'énergie, les électrons ne circulent même plus. Ils sont totalement aplatis et entourent totalement le système du noyau. Et le Nazaréen devient, de par le fait même, indestructible d'une façon biologique, sauf si lui décide d'eux. C'est pourquoi d'ailleurs, il aura tellement d'énergie qu'il va aussi guérir à distance, enfin, tu as juste à avoir la foi à accepter. Et lorsqu'il va côtoyer différents personnages qui sont en contact avec ce faisceau énergétique, il ne les choisit que parce qu'il voit la mutation chez eux. Et immédiatement, il réveille des parties cérébrales et il les atomise, c'est-à-dire qu'il va les énergiser atomiquement. Et ces personnes vont avoir la faculté de recevoir de l'énergie, non pas supramentale, les cerveaux de l'homme ne sont pas encore assez évolués à cette époque, mais de l'énergie provenant directement de l'ajusteur collectif que sera le Nazaréen. Donc, lui, il reçoit de l'énergie et il est capable de l'exprimer même, de s'en nourrir, et il en rayonne. Certaines personnes vont en être guéries, d'autres vont voir une mutation du point de vue de l'âme, donc ils seront exorcisés, et certains personnages vont simplement avoir la faculté d'exprimer l'énergie christique, supramentale, mais christifiée par le corps du Nazaréen, et ceux-là, de point de vue cérébral, vont voir une mutation atomique se passer assez rapidement. Et en contact avec la conscience nazaréenne, seront capables d'exprimer, mais éliminent la conscience nazaréenne, ils ne sont plus en contact avec absolument personne.